terre de gémir. Plutôt serrer le poing, les mâchoires comme anabolisées. À force de les serrer, passer à l'écarisse. C'est dommage à mon âge. Mais je suis également celui qui te remet à l'endroit.